Marie-Ange Zeyman. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Des coups de feu ont été entendus sur la colline Mugendo-Dengo en commune Mugamba. Nous sommes en province Bururi. Des sources sur place indiquent que la police voulait traquer un présumé rebelle qui aurait pris le large. Entre 5 et 8 personnes seraient arrêtées selon les mêmes sources. La Commission nationale des droits de l'homme demande aux autorités burundaises de ne pas privilégier la prison pour sanctionner les élèves accusés d'avoir falsifié la photo du président de la République. C'est au moment où 22 élèves, dont 16 à Lomongué et 6 à Bumanza, ont été emprisonnés depuis hier pour le même motif. Et puis, désormais, chaque samedi de fin du mois, tous les commerçants, sociétés privées et publiques, œuvrant au centre-ville, devront faire des travaux de propreté devant leur maison et cela dans tous les coins de la ville de Bujumbura. L'annonce est du maire de la ville de Bujumbura et c'était ce matin après les travaux communautaires. Rebonsoir. La police de Mugamba en province de Bururi a arrêté cet après-midi 5 personnes sur la colline Mugendo-Ndengo. C'était après une patrouille des forces de l'ordre au centre de Ndengo où un présumé rebelle aurait été avant midi de ce samedi. Plusieurs coups de feu ont été entendus, tirés par les policiers pour tenter de l'arrêter, mais sans succès. Les personnes arrêtées seraient accusées de collaborer avec les groupes armés et selon les sources sur place, Ngendo qui avance le chiffre de 8 personnes arrêtées. Chaque dernier samedi du mois sera consacré aux travaux de propreté dans toute la ville de Bujumbura, que ce soit les agents des sociétés privées, publiques ainsi que les commerçants. Tous sont appelés à faire ces travaux au lieu de leur travail et dans les routes. Le maire de la ville de Bujumbura prévient les récalcitrants qui seront sanctionnés. Suivez-le au micro de Pacifique Chouaï. Et je voudrais lancer un appel à ces gens qui ne sont pas venus de le faire bientôt, sinon on prendra des mesures sévères à leur encontre. Nous voudrions dire aussi que désormais on va appliquer le principe de pollueur-payeur. On va faire des comités par avenue, par rue, par boulevard pour les amener à mettre ensemble avec la mairie, je dirais, une caisse ou un compte qui est en rapport avec ces travaux de salubrité, qui sera géré par les comités mixtes et qui seront interpellés à faire ces travaux. Comme cela, tout le monde se sentira interpellé, responsable de rendre propre devant sa maison, devant sa boutique. Ça, c'est ce que nous voulons dire à ces gens de la ville, parce que nous devrions les faire participer, sinon on aura des problèmes d'incompréhension. Surtout, on dit en français, qu'est-ce que vous faites pour moi, sans moi et contre moi? Alors nous nous sommes joints aux gens de la ville pour pouvoir nettoyer, balayer nos routes, pour pouvoir rendre notre ville agréable et propre. 4 personnes adeptes du FNE d'Agaton Gwassa se trouvent au cachot de la police depuis plus d'une dizaine de jours. Ces dernières sont accusées de coups et blessures par la police, mais leurs familles et les familles de ces présumés disent que ces personnes sont victimes de l'intolérance politique qui se manifeste dans cette commune de Gihogazi. Et cela est confirmé par le représentant provincial de ces adeptes d'Agaton Gwassa. Au niveau de la police, le parquet indique que ces personnes sont arrêtées pour des raisons d'enquête. Le point avec Blaise Pascal Karalumier depuis Karusi. Il s'agit de Batakano Ananias, professeur du lycée communal de Gihogazi, Ndikumana Ernest, Nachoyama et Ferdinand, et Sinzo Bakwira David, qui viennent de passer 10 jours au cachot de police de la commune de Gihogazi en province Karusi. Et depuis ce jeudi, ils sont emprisonnés au cachot de police du commissariat de Karusi. Et la police sur place indique que ces 4 personnes sont accusées de coups et blessures. Leurs familles respectives disent que les leurs sont victimes de leur appartenance politique. Elles affirment qu'ils sont victimes de leur participation à l'accueil du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Agaton Gwassa, en date du 8 juin, une visite qui a été par après suspendue par le cabinet du gouverneur. Natabara Mama, représentant provincial à Karusi des adeptes de FNL de Gwasagaton, confirme que ces personnes actuellement détenues à Karusi sont victimes de l'intolérance politique qu'il affirme actuellement visible dans cette commune de Gihogazi. Il explique que l'intolérance politique s'est beaucoup manifestée dans cette commune après la visite de Gwasagaton à Karusi et signale que de là, des confrontations physiques ont été même remarquées. L'administrateur de la commune Gihogazi dit que ces personnes sont accusées d'avoir battu une autre personne et dit que la question se trouve en main de la justice. Au parquet de Karusi, on indique qu'on est en train de faire des enquêtes. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. En rapport avec l'éducation, 16 élèves des classes de 8e fondamentale du lycée communal Rumonge ont passé la nuit à la prison du chef-lieu de cette province. Ils rejoignent une fille qui vient d'y passer presque une semaine pour le motif d'avoir griffonné la photo du président de la République. Six autres élèves du lycée communal Gianga ont eux aussi été conduits au cachot de la province Bobanza ce matin, accusés de même infraction de gribouiller la photo du numéro 1 Bondé. Et la Commission nationale indépendante des droits de l'homme n'est pas pour l'emprisonnement des élèves accusés du gribouillage sur la photo du président de la République. Dans un point de presse ce vendredi, le président de la CNIDH a indiqué que bien que la faute ait été commise, les sanctions à l'endroit des enfants impliqués devaient être modérées en tenant compte de l'intérêt de ces enfants dont donc leur avenir. Jean-Baptiste Boali-Monekeza, c'est le président de la CNIDH. La CNIDH considère que c'est une faute quand même suffisamment grave. La position de la CNIDH, c'est tout d'abord justement de sensibiliser les enfants impliqués ainsi que les parents par rapport à la gravité de cette faute, et afin qu'ils comprennent que ce qu'ils ont fait n'est pas quelque chose qui est constructif et ce n'est pas quelque chose non plus qui peut passer inaperçu. Donc nous encourageons les enfants et les parents à faire en sorte que ce phénomène s'arrête et que ça ne reprenne plus. Donc nous sensibilisons les gens à respecter les institutions de la République, à respecter la loi et à éviter la manipulation politique. Et parce que c'est notre point de vue que certainement ces enfants ont dû être manipulés par certains politiciens et afin qu'ils puissent commettre ces actes. Et cependant, nous pensons que les sanctions à infliger, que ce soit par les autorités scolaires que les autorités de la justice, doivent être des sanctions modérées, ça veut dire des sanctions qui en tout cas n'impliquent pas l'emprisonnement ou le renvoi définitif, qui doivent tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant qui dans le cadre en espèce est de pouvoir redresser l'enfant, n'est-ce pas, et lui permettre de pouvoir poursuivre ses études. En résumé, nous proposons, n'est-ce pas, d'adopter des sanctions qui permettent à ce que les enfants prennent conscience, n'est-ce pas, de la gravité de la faute commise, tout en évitant de prendre des sanctions qui tendent à remettre en cause et tout ce que nous sommes en train de construire, ça veut dire l'avenir des enfants. Ouverture ce vendredi d'un centre de recherche et d'information sur les droits de l'homme au Burundi. Ce centre sera considéré comme un ensemble d'outils de référence en matière des droits de l'homme. Selon le docteur Patrice Vahad, représentant du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme au Burundi, le centre est situé dans l'immeuble qui abritait le ministère de la fonction publique et il est mis à la disposition de tout ce monde qui s'intéresse aux questions des droits de l'homme. Un centre qui non seulement est une base de données, un ensemble d'outils, de références en matière des droits de l'homme, mais aussi c'est le siège du comité permanent pour la rédaction des rapports. Le comité permanent, c'est une initiative du gouvernement qui a pour objectif de faire en sorte que les différents départements ministériels se retrouvent de façon périodique pour rédiger les rapports du Burundi sur les engagements que le pays a consentis en matière de droits de l'homme, pour voir quels sont les progrès qui ont été réalisés, mais aussi les difficultés auxquelles le gouvernement se trouve confronté dans la réalisation de ces engagements en matière de droits de l'homme. Il va servir à plusieurs choses. La première, c'est que la meilleure protection des droits de l'homme que nous avons, en fait, se fait au niveau local, par les démembrements de l'État, par le gouvernement, par le Parlement, mais aussi par l'appareil judiciaire, par l'autorité judiciaire. Pour pouvoir le faire, il faut avoir une connaissance renouvelée en matière des droits de l'homme. Ce centre-là a cette vocation de mettre à la disposition des Burundaises et des Burundais qui s'impliquent, qui s'intéressent aux questions des droits de l'homme, les toutes dernières connaissances en la matière. Et donc il est important que tout le monde vienne visiter ce centre. Il y a de l'information physique que vous pouvez avoir à travers des ouvrages physiques, mais aussi il y a beaucoup d'informations virtuelles en naviguant sur le site internet pour pouvoir faire des recherches en ligne. Docteur Patrice Vahad, représentant du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme au Burundi. Et puis à Luigi, parlons de cette insuffisance hydrique causée par l'ensoleillement prolongé et dans la province de Luigi, et cela risque de créer, de provoquer une insécurité alimentaire. Cela ressort d'un atelier de préparation de la réponse face à la prévention des risques et gestion des catastrophes. Le formateur national en ce domaine conseille les paysans à ne pas gaspiller leur récolte et prendre l'habitude d'irriguer les champs. Le point avec Jean-Claude Chimilimana depuis Luigi. Le feu de brousse, l'insuffisance hydrique et l'insécurité alimentaire sont les trois premières catastrophes qui peuvent s'abattre sur la province Luigi d'ici jusqu'en décembre. Les membres de la plateforme provinciale de prévention des risques et gestion des catastrophes qui disent cela expliquent que les feux de brousse sont essentiellement causés par la mauvaise habitude de la population à brûler les savanes. S'agissant de l'insuffisance hydrique, ils expliquent qu'elle sera la conséquence d'un fort ensoleillement qui pourra se prolonger jusqu'en décembre prochain suite au phénomène d'El Niño. Selon ce phénomène, une forte pluviométrie comme celle observée cette année au Burundi est généralement suivie d'un fort ensoleillement prolongé, indique-t-il. Quant à l'insécurité alimentaire, c'est la conséquence directe de l'insuffisance hydrique, car le semis pour la saison culturale A sera retardé et même les cultures de la saison C seront détruites suite au manque d'eau. Face à cette situation plus que probable, OPC1 Gervais Niyibizi, formateur national en matière de prévention des risques et gestion des catastrophes, conseille la population à bien gérer les récoltes obtenues aux saisons B et A. Ensuite, il demande aux agriculteurs à pratiquer les cultures maraîchères et s'adonner déjà à l'irrigation, car la pluie peut ne pas tomber comme d'habitude depuis septembre prochain. Tout cela a été dit ce vendredi au chef-lieu de la province Luigi lors d'un atelier de préparation de la réponse à la prévention des risques et gestion des catastrophes. Jean-Claude Chimilimana, Luigi, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Claude Chimimana. Page culture pour terminer ce journal. Le Festival international du cinéma et de l'audiovisuel du Burundi, Festicab, la 8e édition, a pris fin hier à Bujumbura après plus d'une semaine de projection des films en compétition dans 4 salles de Bujumbura et autres salles et 4 aussi autres salles à l'intérieur du pays. Cette année, la compétition a été dominée par les films venus de l'étranger et portés comme thème le cinéma au service de la réconciliation. Plus de détails avec Christian Savier qui a suivi la remise de trophées. Pour cette année 2016 du Festival du cinéma et de l'audiovisuel du Burundi, Festicab, édition 8, la chose la plus remarquable, c'est qu'il y a eu moins de productions burundaises. Avec beaucoup de trophées, la catégorie burundaise, celle de la communauté de l'Afrique de l'Est et enfin du monde entier. Eric Chimilimana est un jeune producteur burundais avec son premier film « La photo de ma famille » a pu décrocher le premier prix. Il affiche sa satisfaction, essayant de nous expliquer pourquoi il a pu décrocher ce premier prix. Premièrement, c'est grâce à Dieu qui m'a aidé. Deuxièmement, je crois que c'est grâce à mon scénario qui a été bien, qui a été réécrit, et vérifié par beaucoup de producteurs. Quand je voulais créer ce film, tout le monde me disait que vraiment, tu ne peux pas y arriver parce qu'il y a une crise, il n'y a pas d'argent. Moi, je me suis dit, même si c'est comme ça, On va travailler, parce qu'on ne sait pas ce que demain ça peut nous produire. Diane Kaneza est la directrice du Festival du cinéma et de l'audiovisuel pour cette année, 8e édition, nous confirme que l'objectif pour cette année a été atteint, tenant compte du thème qui est le cinéma au service de la réconciliation, même s'il y a eu moins de production burundaise. Sur ce thème de réconciliation, on ne doit pas absolument concerner ce qui est politique. Ça peut être ce qui est social, ça peut être ce qui est ce que l'on voit dans la vie de tous les jours. L'année prochaine, il y aura d'autres productions burundaises qui parleront de réalité burundaise, qui parleront de réalité africaine. Signalons que parmi les membres de différents jurys pour les catégories des productions burundaises de l'Afrique de l'Est et du monde entier étaient présents des grands réalisateurs producteurs venus de la Tanzanie, du Kenya, de l'Ouganda, du Cameroun et même de la Côte d'Ivoire. La 8e édition du Festica. Merci à Christian Xavier. C'est sur cet élément que nous clôturons ce journal. Mais avant de vous quitter, nous rappelons les principaux titres. Des coups de feu ont été entendus sur la colline Mugendondengu en commune Mugamba. Nous sommes en province de Bururi. Cet après-midi, les sources sur place indiquent que la police voulait traquer un présumé rebelle qui aurait pris le large. Entre 5 et 8 personnes seraient arrêtées, selon les mêmes sources. La Commission nationale des droits de l'homme, le CNIDH, demande aux autorités burundaises de ne pas privilégier la prison en sanctionnant les élèves accusés d'avoir falsifié la photo du président de la République. C'est au moment où 22 élèves, dont César Mongué et Sissa Bobanza, ont été emprisonnés depuis hier pour le même motif. Et désormais, chaque samedi de fin du mois, tous les commerçants, sociétés privées et publiques œuvrant au centre-ville devront faire des travaux de propreté devant leur maison. Et cela dans tous les coins de la capitale de Bujumbura. L'annonce est du maire de la ville de Bujumbura. Et c'était ce matin après les travaux communautaires. Marion José Mana était avec vous au micro. Aimé Toussaint Mité Bouti assurait la mise en onde. Place maintenant à la revue hebdomadaire de la presse avec Léonce Vitalio. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous situez. L'hebdomadaire Iwachu parle d'un congrès sans surprise. Il revient sur le dernier congrès du parti CNDD-FDD à Bouyé en province de Ngozi. On s'attendait à de nouvelles têtes au sommet du parti. Mais surprise, écrit notre confrère, le congrès n'avait rien d'extraordinaire. Cependant, le discours de clôture du président de la République et président du conseil des sages du CNDD-FDD n'a pas manqué d'intérêt sur certains points. Il était entrecoupé de chants et des applaudissements pour rendre grâce à Dieu et soutenir le CNDD-FDD. Ces élections sont terminées et nous n'y reviendrons plus. Embrassez-vous et félicitez-vous pour cette victoire, disait-il aux congressistes. Iwachu écrit que ce mandat a été dédié à Dieu qui leur a permis de vaincre les difficultés de 2015. En 2020, nous aurons des victoires encore plus grandes. Dieu du ciel est témoin. Très bientôt, vous verrez de vos propres yeux des victoires encore plus grandes, a répété plusieurs fois le président Nkurunziza cité par Iwachu tout le long de son discours. Un peu plus loin encore, mais toujours dans ce dossier congrès du CNDD-FDD, l'hebdomadaire revient sur les propos de Nezim Nduimana, un ancien cadre de ce parti devenu frondeur. Il soutient que la grande messe de Ngozi n'était qu'une mascarade pour confirmer la mainmise de Pierre Nkurunziza sur le parti. Pierre Nkurunziza ne trompe plus personne, dit-il. C'est lui qui dirige le parti CNDD-FDD depuis plusieurs années. Deux frères ennemis, deux politiques, une même inquiétude. L'agence en ligne Net Presse parle de Jacques Bigirimana et Agathon Rwasa qui se réclament tous du FNL, même si l'un d'eux est reconnu et l'autre non. Ils ont deux politiques d'approche différentes de la gestion de ce pays. Ils ont aujourd'hui la même inquiétude d'être assassinés par des gens que les deux hommes politiques n'hésitent même pas à situer dans le camp du pouvoir. Revue de la presse. L'agence en ligne écrit aussi que le lac Tanganyika est sur le point de se fâcher. Il n'a pas encore atteint le niveau de 1964, mais il est sur le point. Le comportement du lac Tanganyika est alarmiste car, d'un moment à l'autre, il peut inonder certaines zones riveraines comme Gatumba, Kinindo, Kabondo et le quartier industriel. En 1964, précise-t-elle, les eaux du lac Tanganyika avaient tellement monté que même la radio nationale a été inondée. La pollution de l'endroit dit Kumasi est nuisible à l'homme et à la biodiversité lacustre, écrit le magazine Burundi Echo. Nous sommes dans la zone Ngagara, près du lac Tanganyika. Le magazine Burundi Echo écrit qu'une mare nauséabonde pollue l'air respiré par la population. Cela résulte du contact entre l'eau venant du lac Tanganyika et les eaux usées issues de la station de pompage des 7 émus située à côté de l'ex-école nationale de police. La population environnante est exposée à diverses maladies. La biodiversité du lac Tanganyika est aussi menacée. À sa sixième grossesse, elle met au monde des triplés. Il s'agit d'une femme de la colline Kabanga en commune Ebukemba de la province Rutana. L'agence burundaise de presse écrit que Godelieve Nduwimana, 28 ans, se trouve dans l'angoisse de pouvoir élever ses nouveaux-nés. Elle et son mari, prénommé Steve, ne vivent que du fruit de la houe. Il lance un appel à toute âme charitable de leur venir en aide. La BP écrit aussi sur la lutte contre le concubinage qui se heurte à des obstacles dans certaines localités de Ubanza. Des comités collinaires composés de femmes leaders et mis en place pour lutter contre le concubinage sont déjà fonctionnels. Ils chassent des femmes de trop dans des ménages. Mais certaines filles des collines Muzinda et Kibenga fustigent ce que font ces comités. Selon elles, le concubinage est l'un des moyens de sauver des filles qui ne parviennent pas à avoir des époux. La lutte contre la polygamie n'est pas fondée, disent-elles, étant donné que les filles sont nombreuses que les garçons. L'amour dans le rouge, en soulagement ou en danger. L'hebdomadaire Iwachu écrit que pour certaines femmes, avoir des rapports sexuels pendant leurs règles douloureuses soulage. Mais gynécologues et sexologues déconseillent fortement cette pratique. J'ai des règles très douloureuses. Faire l'amour pendant cette période est l'un des moyens qui soulage ma douleur, confie une Burundaise la trentaine. Et d'ajouter qu'elle éprouve même du plaisir intense. Il ajoute que le soulagement n'est qu'éphémère, le temps des rapports. Une autre citadine confie à notre confrère, je cite, « Quand la douleur et le plaisir se mélangent, c'est le plaisir qui l'emporte ». Fin de citation. Mais au moment où certaines femmes vantent les bienfaits des rapports sexuels pendant leur menstruation douloureuse, d'autres sont sidérées. Reprenant les mots d'un gynécologue burundais, Iwachu renseigne que les relations sexuelles pendant ces moments particuliers amplifient les douleurs. C'est comme remuer le couteau dans la plaie. Ainsi s'achève cette revue de la presse qui vous a été présentée par Mireille Kanyange et Léon Sebitariho. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. À la prochaine. Revue de la presse.